بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc la situation actuellement, elle est une situation d'urgence. C'est une situation d'urgence et c'est quelque chose qui est devenu global et mondial. Faites attention, soyez prudents, ne prenez pas les choses à la légère. Ne prenez pas cette affaire à la légère, c'est pas une blague. Qu'est-ce qui est en train de se propager actuellement dans le monde? C'est quelque chose qui se répand, un virus qui se répand de façon exponentielle. Et c'est quelque chose qui est très sournois d'une certaine façon parce que, contrairement aux virus de Corona qui sont apparus dans les 10 dernières années, il y a eu des propagation de différents virus à différentes périodes. Mais il n'y en a aucune qui ont été aussi graves et aussi dangereuses que celles qu'on est en train de traverser maintenant. Et il y a des raisons pourquoi certaines de ces propagations précédentes n'avaient pas pu se propager aussi rapidement et aussi globalement. Et parmi les raisons de ça, c'est ce qui nous montre, d'après ce qu'on dit les spécialistes. Parmi les raisons de ça, c'est que les symptômes apparaissaient assez rapidement et donc on pouvait facilement isoler les personnes qui étaient affectées et empêcher la propagation. Tandis que le virus actuel, une des grandes différences par rapport au virus qui s'était propagé précédemment, c'est que les symptômes de ce virus-là, ils ne sont pas apparents depuis le début. Quelqu'un peut être infecté pendant deux semaines complètes sans développer de symptômes. Même il y a certaines personnes qui sont affectées par ce virus et qui le propagent et qui n'ont même pas de symptômes eux-mêmes et qui propagent le virus aux autres. C'est un virus qui est très contagieux et parce qu'il prend une période d'incubation longue, eh bien, ça fait que les gens ne réalisent pas qu'ils sont malades. Et quand les symptômes commencent à apparaître, ils apparaissent de façon rapide. Et ils s'aggravent de façon rapide aussi. Donc, vous savez, quand il y a une vidéo qui, des fois, les gens disent « Ah, cette vidéo est devenue virale. Hein? » En anglais, ils disent « This video became viral. » Pourquoi les gens disent qu'elle est devenue virale, cette vidéo? Parce que elle s'est propagée tellement rapidement et elle a été vue par tellement de monde en une courte période que il y a des millions de personnes qui l'ont vue en une courte période de temps. Ça devient viral. C'est pour nous donner un exemple de la rapidité et de la grandeur de l'expansion de cette vidéo. Eh bien, le virus, c'est de là que ça vient, l'expression, ça vient des virus. Hein? Et les virus, donc, ils se propagent à cette vitesse-là, c'est exponentiel. Si vous avez fait des mathématiques, quand on dit exponentiel, vous comprenez ce que ça veut dire. Si je dis, par exemple, hein, vous prenez votre calculatrice, là, si vous voulez juste vous amuser hein, avec votre calculatrice, et si vous avez une calculatrice scientifique, c'est encore mieux. Vous faites, hein, par exemple, 4 exposant 2. Donc ça, c'est juste un exemple que je suis en train de vous donner pour vous faire comprendre à quel point ce virus-là se propage de façon rapide. Et malheureusement, pourquoi je dis ça maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui prennent ça à la légère et ils ne prennent pas ça au sérieux. Et on voit que les nombres des morts s'accumulent et augmentent. Et Je vous parle pas de ça maintenant d'un point de vue de la religion ou d'un point de vue des règles qu'on doit prendre par rapport à ça sur le plan du Coran et de la Sunna, puisque ça, on l'a déjà expliqué. Hein, j'avais fait une khutbah sur ça, j'ai expliqué, et les ulama, ils ont clarifié, et beaucoup d'entre nous, on est au courant. Le problème, c'est que certains, ils n'ont pas encore compris la gravité de la situation. Mais ils comprennent au moment où ils tombent malades. Donc, moi, je vous dis ça maintenant juste pour que vous réfléchissiez et que vous compreniez la gravité. peut-être que vous allez dire, oh, mais c'est seulement 5% qui ont des symptômes vraiment graves et qui meurent. 15%, ils ont que des symptômes qui sont pas si graves que ça. Et pour 80%, c'est seulement une grippe, comme une petite grippe. Donc c'est pas si grave. Moi, je vais être parmi les 80. Tu sais pas si tu vas être parmi les 80. Tu sais pas si tu vas être parmi les 15 ou parmi les 5. Tu sais pas. Et tu sais pas si tu vas être la cause de d'autres personnes qui tombent malades, qui vont être justement atteintes plus gravement que toi. On a dit hier qu'il y a une jeune fille en France de 16 ans qui est morte de ce virus. Le virus, il touche celui que Allah a voulu. Et il n'y a personne qui va être touché excepté par la permission d'Allah et par la volonté d'Allah et par ce que Allah a prédestiné. Mais l'islam nous enseigne de prendre les causes, de prendre nos précautions et d'éviter, d'être un propagateur ou de se mettre soi-même en danger. Les règles à ce sujet-là sont claires dans le Coran et sont claires dans la Sunna. Donc, suivez les consignes. Et suivez les consignes des autorités aussi, et des spécialistes médicaux, des spécialistes de la médecine et des responsables. Si on veut venir à bout de ça et s'en sortir, avec, Inch'Allah, salam, on prend les causes nécessaires. Et si après avoir pris toutes les causes, et si après avoir s'être isolé et d'avoir porté le masque et d'avoir lavé nos mains et fait tout ce qu'il faut, malgré ça, on tombe malade quand même, ça c'est biqadarillah, c'est par le prédestination d'Allah. Mais la personne qui est insouciante, inconsciente, qui sort dehors et qui ne prend aucune précaution et qui dit attawakkal ala Allah, cette personne n'a rien compris de ce que signifie attawakkul ala Allah. Attawakkul ala Allah, ça ne veut pas dire d'être insouciant. Donc, je vous dis ça là, c'est sérieux. Et aujourd'hui, je parlais avec un frère qui est en Haïti en ce moment. Et si vous regardez sur le site des comptes de la propagation de la maladie, en Haïti, aujourd'hui, c'était écrit 8 personnes. Et Haïti, c'est sur une île et c'est à côté de la République dominicaine. Et en République dominicaine, ils étaient à presque 600, 600 cas. Subhanallah. Alors j'ai dit, si c'est arrivé en République dominicaine, c'est sûr que vous allez en avoir en Haïti. Et si c'est arrivé en Haïti, même si c'est 8 cas, demain ça va être le double. Après-demain, ça va être le double. Mais en Haïti, ils n'ont pas les moyens nécessaires pour tester tout le monde. Et ils n'ont pas non plus les moyens pour traiter tout le monde s'il y a des malades qui ont des maladies sévères. Donc ça va être une catastrophe. Et donc j'ai dit au frère, j'ai dit, Harry, reste chez toi, sors pas, commence à prendre tes précautions depuis maintenant. Et le frère me dit, mais là tu me fais peur. J'ai dit, Harry, je te dis ça, c'est pour ton bien, Harry, pour te préserver. Les frères qui sont en train de laver les morts, mais ils peuvent même plus laver leurs morts, ils peuvent même plus faire la janaza pour eux. Maintenant, ils ont même plus de place pour mettre les cadavres, tellement il y a tellement de monde qui meurt. Donc il faut prendre ça, il faut pas prendre ça à la légère. Et c'est important, Yanni, de prendre, de tenir compte de ça. En tout cas, je ne veux pas m'attarder trop longtemps là-dessus. C'est juste un petit rappel comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit: je sais que vous en entendez parler tous les jours sans arrêt, donc Inch'Allah, je ne vais pas en parler plus que ça, Inch'Allah. Donc à demain, bienvenue pour les cours de demain samedi. Le premier cours demain après l'Asr, ça va être ici. C'est après l'Asr, c'est le livre de Cheikh Rabi' Ibn Hadi, rahimahullah, sur le charh de yani Bahjatul Qari, le charh de l'explication ou commentaire sur des livres du chapitre de Al-I'tisam bil Kitab wa Sunna dans Sahih al-Bukhari. Et après ça, on va commencer un commentaire de Cheikh Ibn Uthaymin sur Riyad al-Salihin, ça c'est demain, Inch'Allah. Donc, je vous attends, bi'idhnillah. Passez le mot à vos proches, à vos amis. s'ils veulent écouter les dorus, partagez le lien avec vos proches, avec vos amis, pour que ils puissent profiter eux aussi, inshallah, et que Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve tous, hein, et que Allah nous préserve, et inshallah, à demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.